Fais mon rap en scred et dans le vote je ressens pas de message. Pas de message. On se fait baiser et toi t'as de message. Pas de message. Débarque à peine, j'attends la tempête après le calme. T'as le cash, ramène ça. Dans ma tête c'est la bagaille. Bâtard, j'bataille avec rage. M'attarde pas, j'm'écarte. J'parle la tête haute. Garde la pêche gros, j'grame le bazar. Avec la chute passage. Parlez pas de ma vibe, c'est assez barge. Casse-toi, j'ai la voix, j'me bagrave pour garder le calme. J'ai le bâtard, mais j'garde espoir. Tu parles mal, respire chez toi, c'est quoi? Rap. Je ne suis que de passage, préviens tes gars. V'là 12 tartes dans vos têtes de couf. Pareil que la porte, la maille est entrouverte. Et dans la merde, si jamais je la découvre. C'est l'F alias casse pas les couilles. J'ai d'autres chats à fouetter, tu vas pas te lasser de parler de nous. 2013, c'est que le début, fils de traite. J'exécute des vices qui créent, nique le game. J'ai commencé à teaser à cause d'or pipelet. J'ai la rime qui fâche, puis elle m'écoupe. Et celles qui me connaissent dans la street, ça que je suis un mec cool. Totalement crazy dans ma rage, je suis dans la place. Puis l'époque Tupac Bandanas. Défoncé dans la cage, rôde après des cougars en balade. Me calcule pas si tu prends de la white fish. Tellement de padawan, pisté par la maille, pas besoin que je t'explique. J'arrive en mode def, je veux pas me faire tricard à viser. J'ai plus facile à viser les gens qui se prennent la crosse. J'tire à la carabine, j'vise à la Kadhafi. L'état est si triste qu'un père qui tease à la carabine. J'me fais péter la tête, gros, j'bétale de la dynamite. J'ai l'estomac tourné, pote, j'te lâche de la rime assise. J'suis dans un sale état, mais j'écris ça avec des rimes tarées. J'ai l'air si mal, j'fais des grimaces, appelle-moi Tim Carré. Prends pas tes putes fêlées, ici ça taffe même les jours fériés. Ceux qui t'ont fait du mal, dis-toi qu'un jour ils vont tous payer. C'est pour mon frangin que j'ramène ce douce. Mais j'irai pas de main morte, j'suis pas jamais debout. Quelle vie de merde tu dois avoir pour raconter tant de ragots. Pas besoin de surfer sur cette vague, j'suis pas monté dans le bateau. Bien sûr la pente, j'peux l'affronter sans gamos. Moi à côté de la plaque, j'appelle ça pas tomber dans le panneau. Certains d'entre nous prennent un tremplin illégal. Même si au fond on voudrait être des gens bien qui se démarquent. L'industrie a fait nous des pantins misérables. Et ça m'écœure, j'affronte mes épreuves dans un triste état. Demande à le sillonneur. Ici on a tous des problèmes. Alors on se défoule dans des battles, puis on savoure tes obsèques. Toutes sortes de partout, c'est obscène. Bien sûr qu'on nique les tas, même si on tellement visé. Bah qui me chatouille les orteils. Là c'est remix, triste état. Fais mon rap en scred, tu vas pas te lasser de parler de nous. Mais si ça taffe, même les jours verront. Alors on se défoule dans des battles. Là c'est remix, triste état. Fais mon rap en scred, tu vas pas te lasser de parler de nous. Mais si ça taffe, même les jours verront. Alors on se défoule dans des battles. Dans ma tête, c'est la guerre à riche, nique les racistes. Quand je te dis protège ta peau, c'est pas avec du clérasil. Nos jours y'a trop de traite, aucun conseil, trité y'a. J'enchaîne les soirées, tis état, là c'est le remix, triste état. Il est temps que j'avance, malgré ma lenteur. J'ai grandi, j'veux plus voir la madre et mal en pleurs. J'débarque technique, dégage des piles. J'déballe des rimes, des bails terribles. J'dégrade des fils. L'erreur est humaine et c'est pas Wham qui le dit. J'essaie de sauver ma peau comme dans Walking Dead. Surveille ta chaîne de pute, mais c'est ta chef de tue. T'es pas crédible, on t'a cramé la cachette des vues. Besoin d'un GPS quand ma raison est BCS. Retranché dans ma forteresse, j'envoie pas de signal de détresse. Besoin d'une nouvelle adresse, rude là les graisses. Là j'suis rude, là c'est j'reste. J'connais mes richesses, j'm'adapte quand y'a panne sèche. J'crois tout savoir, c'est ça le piège. Tant de choses que j'aimerais ravoir et là j'colmate la brèche. Mon linge est dans ses choirs, la chance me prête sa veste. Porn et plus bavoir, the best of the best. J'ai dit de revoir l'échec, un goût indigeste. Ça a l'air malhonnête, à sa merci, telle une marionnette. J'suis pas là pas sorti tôt ou tard, tu le crêtes. Laisse pas passer le train ou tu galoperas après ta perte. J'suis fait de paix mais j'en parle pas, non tu sens bien que j'suis pas ici pour. J'suis venu vendre la peau de l'ours pour financer une vie si courte. J'suis comme ce gosse qui gribouille, ouais, ouais. Ou bien un apache dans la ville, ouais j'suis le père de Mimi Sikou. J't'étube dans le droit chemin, juste parce que la raison me saoule. J'vais la sourde oreille, ouais j'oublie tout à la Jason Bourne. Le karma me guette, me récolte à la ramassette. Ouais ma gueule parce que j'en fais qu'à ma tête. J'cuisine que du tatamar, j'fais pas dans la baille. Pas de la faille par gigabyte. Bah on écoute chez Mediamart. Vu qu'on est des êtres à part, avec le cœur en tétrapaque. Je partage mes états d'âme, parce que la dalle me met la niaque. Là c'est remix, triste état. Porn et puis bavoir. Il est temps que j'avance. Pas de la faille.